بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في درسنا السبعين في التفسير on commence aujourd'hui le cours numéro 70 dans le tafsir ومعنا اليوم سورة الفيل aujourd'hui on verra la سورة الفيل la سورة donc de l'éléphant وهي سورة مكية. C'est une sourate qui fut révélée durant la période mécoise. ذكرت العلماء أن سبب قصة أصحاب الفيل هي أن ملكا من ملوك اليمن بنى كنيسة عظيمة لصرف الناس عن الحج بمكة. Les savants, ils ont cité que la cause de l'histoire des gens de l'éléphant, donc ceux qui sont venus avec l'éléphant pour détruire la Kaaba, la cause de cette histoire est que un roi au Yémen avait construit une église grandiose, immense, pour détourner les gens du Hajj, pour que les gens arrêtent d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, mais qu'ils le fassent chez lui au Yémen. فدخل فيها رجل من مكة وتغوط في الكنيسة. Alors un homme de Mecca est rentré dans l'église et il a déféqué dans celle-ci. ولطخ جدران الكنيسة بالنجاسات. Et il a rempli donc, il a donc passé des impuretés sur le mur de cette église. فَرَضِبَ هَذَا الْمَلِكِ. Alors ce roi s'est énervé. وَقَرَّرَ بِإِرْسَالِ جَيْشٍ إِلَى مَكَّةَ لِهَدْمِ الْكَعْبَةِ. Il a donc décidé d'envoyer une armée à la Mecque pour détruire la Kaaba. أَوَّلًا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ قِصَّةَ الْفِيلِ ثَابِتَةٌ فِي التَّارِيخِ. Premièrement, chers frères, il faut savoir que l'histoire de l'éléphant, c'est une histoire qui est avérée بدليل القرآن الذي هو أعظم حجة تاريخية. Et ça en se basant sur la preuve du Coran qui est la plus grande preuve historique. Le Coran c'est la plus grande preuve historique. لكن المؤرخون ينكرون هذه القصة. Cependant, les historiens, ils rejettent cette histoire. Ils nous disent, il n'y a pas d'histoire de l'éléphant. Ils nous disent, Ja el Quran bi qissatin ghayri thabita. Ils nous disent, le Coran est venu avec une histoire qui n'est pas avérée. Il n'y a pas eu d'éléphant, pas eu de... rien du tout. Fayunkirun hadhihi al-qissa. Ils vont rejeter cette histoire. Ma'a anna hadhihi al-qissa dhukirat fi ghayri al-Quran. Alors que cette histoire a été citée dans d'autres éléments que le Coran. Les écrits des Arabes. Les Arabes qui ont vécu à cette époque ont fait des écrits, des poèmes sur cette histoire. Al-Mu'arrikhoun fi al-Ghalib yastadilluna bima huwa ahwanu min dhalik li thubuti qisasihim at-tarikhiyya. Et les historiens en général, ils s'appuient sur des preuves qui sont moins évidentes que celles-ci pour affirmer des histoires historiques. Et donc, les historiens, quand ils veulent affirmer, ils affirment, quand ça leur plaît, ils prennent, quand ça leur plaît pas, ils prennent pas. Mais le Coran a affirmé cette histoire et cela nous suffit largement. Car il n'y a pas de meilleur témoin qu'Allah tabaraka wa ta'ala. فقصة أصحاب الفيل ثابتة. Et donc cette histoire, l'histoire des gens de l'éléphant, elle est avérée. ولكن التفصيل الذي ذكرته آنفا بذكر السبب هذا التفصيل ذكره ابن إسحاق وغيره وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية لكنه يحتاج إلى إسناد صحيح. لنقول بثباته. Cependant, les détails que j'ai cités précédemment, qui citent les causes de cette histoire, qu'un arabe est allé donc, et qui a déféqué dans l'église, etc. Cette histoire-là, elle a été citée par Ibn Ishaq, elle a aussi été citée par Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya. Cependant, on a besoin d'une chaîne de transmission authentique pour avérer, pour affirmer que cette histoire, que la cause de l'histoire, c'est réellement ça. ثم أحب أن أذكركم أيها الإخوة بأمر مهم وهو أنه لا يجوز للمسلم سب ولا السخرية بآلهة المشركين. Ensuite, il y a un point que je voudrais vous citer au Shafka, c'est qu'il n'est pas permis aux musulmans d'insulter ou de se moquer des divinités des polythéistes. Et cela afin que le polythéiste حتى لا يتخذه المشركون ذريعة afin que les polythéistes n'utilisent pas cela pour eux à leur tour insulter Allah tabaraka wa ta'ala. Et si aujourd'hui donc on te demande est-il permis d'insulter ou de faire une caricature de Isa, tu vas dire non pour deux raisons. Premièrement, parce que Isa fait partie des prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah l'a élevé. Celui qui fait une caricature de Isa, qui se moque des prophètes, mécroit en Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement. Deuxièmement, même si ce n'était pas un envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne nous est pas permis de nous moquer des divinités des polythéistes. Cela n'était pas permis aux serviteurs d'Allah. Aujourd'hui, certains ont pris comme divinité les lois, la constitution française. C'est ça leur divinité aujourd'hui. On fait tout pour les lois, pour la constitution française. Taïb, est-ce qu'il t'est permis de venir, de piétiner la constitution, le document, etc., de filmer ça comme certains l'ont fait? Non, c'est pas permis. C'est pas permis. Tu fais ça, demain, Alain, il fait la même chose avec le Coran. On a gagné quoi? T'as gagné quoi? Marcher sur un livre. Et après, tu es content, tu es fier, tu propages ça sur YouTube. On n'a rien gagné du tout. Et cela ne montre pas que tu défends l'islam ou quoi que ce soit. Et donc, il faut qu'on fasse attention, chers frères, à ce qu'on fait. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. » N'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Afin que eux n'insultent pas Allah tabaraka wa ta'ala par haine et sans science. فالمطلوب من المسلم أن يبين الحق دون سب ولا سخرية. Et donc, ce qui est demandé aux musulmans, c'est de montrer la vérité sans insulte ni moquerie. Tu ne te moques pas, tu montres la vérité. وجادلهم بالتي هي أحسن. Et débat avec eux de la meilleure des façons. فجاء أصحاب الفيل ومعهم جيش عظيم ومعهم هذا الفيل. Et donc, les gens de l'éléphant, ils sont venus, ils avaient avec eux une grande armée et ils avaient aussi avec eux donc l'éléphant. Certains savants citent qu'il y avait aussi d'autres éléphants, 6, 8, ils divergent. Mais comme j'ai dit, on a besoin d'une chaîne de transmission pour affirmer tout cela. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a affirmé donc ashabul fil, les gens de l'éléphant. Et donc, on reste avec ce qui est authentique jusqu'à maintenant. فَلَمَّا اقْتَرَبُوا مِنَ الْكَعْبَةِ وَقَدْ اسْتَعَدُّوا وَمَكَرُوا. Lorsqu'ils se sont rapprochés de la Kaaba, ils se sont donc préparés, ils avaient une grande armée, ils avaient rusé pour cela parce que l'éléphant, donc ils ont ramené un éléphant pour piétiner la Kaaba et que les habitants de la Mecque ne puissent rien faire pour défendre la Kaaba. Imtana al-fil min al-haraka bi-tijahi Mecca. L'éléphant a refusé de se déplacer en direction de la Mecque. Falamma wajjahu hadha al-fil ila al-Yaman asra. Lorsqu'il retournait et qu'il dirigeait l'éléphant vers le Yémen, l'éléphant avançait rapidement. Fatawakafou, ils se sont donc arrêtés. On ne peut pas avancer, l'éléphant ne veut pas avancer vers la Mecque. On s'arrête là, on réfléchit. فالله تبارك وتعالى قال بعد البسمة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant. وفي هذا السياق أيها الإخوة دلالة على أن هذه القصة كانت مشهورة معروفة عند العرب. Il y a dans cette formulation de phrase le fait que ce qui montre que cette histoire elle était connue chez les Arabes. N'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait des gens de l'éléphant? Alors qu'Allah n'a pas encore cité ce qu'il a fait d'eux. Mais lui dit, n'as-tu pas vu ce qu'il a fait d'eux? Pourquoi? Parce que c'était connu. C'était connu ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait d'eux. فَفِي هَذَا السِّيَاقِ الدِّلَالَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةِ ثَابِتَ. Il y a donc dans cette formulation ce qui montre que cette histoire est avérée et qu'elle a été citée dans d'autres sources que le Coran, qui était donc chez les Arabes lorsqu'ils ont écrit sur cette histoire. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. N'a-t-il pas rendu leur ruse vaine? Ils sont venus avec un éléphant, une armée, prêts. Taïb, l'éléphant ne veut pas avancer. L'éléphant ne veut pas avancer. Il reste l'armée quand même. Ils sont venus avec une grande armée. Ah ben non. Ils ont rusé. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, oh chers frères, il y a un point qui est important de comprendre, surtout à notre époque, avec les éléments, avec les événements actuels. Ennas yakiduna li saddin nas wa sarfihim an din al-islam. Les gens rusent pour éloigner les autres de la religion musulmane. Ils rusent. لكن الله تبارك وتعالى يرد كيدهم عليهم. Cependant, Allah تبارك وتعالى leur renvoie leur ruse contre eux-mêmes, comme il a fait pour les gens de l'éléphant. Comme il a fait pour les gens de l'éléphant. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Certes, ils rusent pleinement et je ruse pleinement. Et donc, laissez ces gens ruser, ils rusent, ils veulent interdire si le voile. Et laissez-les ruser. Laissez-les. La religion, elle se propage. Elle se propage. Shi'tum ou abaytum. Que vous vouliez ou pas. Que vous vouliez ou pas, elle se propage. Et donc, même par rapport à la Palestine, on le verra à la fin, justement, du cours bi'idnillahi ta'ala, un petit passage concernant la Palestine. Et donc il est important au cher frère de savoir que Allah Azzawajal préserve sa religion. Ne vous inquiétez pas. Allah il protège sa religion. Inquiète-toi pour toi. Inquiète-toi pour toi. Est-ce que toi, hal anta qa'imun bima yajibu alayk? Est-ce que toi tu fais ce qui est obligatoire te concernant? Voilà ce dont tu dois t'occuper. Par contre, passer ta journée sur Internet, ah oui, ils ont rusé, ils préparent tel plan, ah, les vaccins, et ensuite, après, on ne peut pas faire le hajj, et après, si, ensuite, ils vont interdire si, ça, ça. Allah préserve ta religion, frère. T'inquiète pas. Occupe-toi de ce qui t'est obligatoire, toi. Il y a des frères, ils passent la journée sur YouTube. La journée. À apprendre, ah oui, telle ruse, tel groupe, ça, mondialiste, ou je ne sais pas quel groupe qu'ils nous trouvent. Ah, tu aurais pu passer ta journée, tu aurais pu apprendre des versets du Coran. Tu aurais pu apprendre des ahadiths. Tu aurais pu lire le tafsir. Tu aurais pu faire beaucoup de khayr. Mais tu as choisi YouTube. Parce que c'est plus facile aussi. Tu es assis sur ta chaise et pas d'effort. Juste tu regardes et c'est tout. Hein? Même le Coran. Tu peux regarder. Même le Coran aussi. Et donc il faut qu'on fasse attention aux chers frères, à nous, ce qui nous est obligatoire. Ne perdez pas vos temps dans tous ces trucs, ils ont rusé, ils essaient. T'inquiète pas, Allah préserve sa religion. Yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nuri. Walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais Allah parachève sa lumière. Même si les incroyants détestent cela. Ne t'inquiète pas, mon frère. Inquiète-toi pour toi. Est-ce que tu fais ce qui t'est obligatoire? Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Wa arsala alayhim tayran ababil ». Et donc l'éléphant n'a pas voulu avancer. Et Allah a envoyé sur eux des oiseaux par vagues. Donc plusieurs groupes d'oiseaux comme ça, l'un après l'autre. Plusieurs groupes. L'éléphant n'a pas voulu avancer. Comme on a cité précédemment, « Baqiya al-jaysh » là, « Hatta al-jaysh mastata'a ». Même l'armée n'a pas réussi à parvenir à la Kaaba pour la détruire. Pourquoi ? Des oiseaux. Nahnu nara at-tuyur laylan wa naharan. On asma'uha. On voit les oiseaux jour et nuit, on les voit autour de nous, on les entend. Lakin al-insan la yata'ammal fi amrin ala wa huwa inna lillahi junud as-samawati wal ard. On voit les oiseaux nuit et jour. Mais on ne médite pas sur un sujet, c'est lequel, certes, à part, certes, les armées des cieux et de la terre appartiennent à Allah. Allah fait ce qu'il veut de ses créatures. Tu ne sais pas. Cette créature que tu méprises, que tu vois tous les jours, même tu passes en voiture, parfois s'amuse à effrayer les oiseaux, tu ne sais pas. Allah tabaraka wa ta'ala fait ce qu'il veut de ses créatures. Il a ses armées. فَالنَّاسْ مُرَكِّزُونَ بِأَسْلِحَتِهِمْ. Les gens sont concentrés sur leurs armes. فَيَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَقْوِيَا. Ils se voient plus forts. Nous, on a telle armée, à l'armée de tel pays, à tel rang, etc., etc. لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah, à lui appartient les armées des cieux et de la terre. Il a détruit une armée avec des oiseaux. Il a détruit une armée avec des oiseaux. Qu'il leur a envoyé donc par vague, comme on a cité précédemment. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ces oiseaux qui leur envoyaient des pierres d'argile. Les savants, ils nous disent ici, ce n'est pas donc. Ici, ce qui est voulu par cette argile, c'est de l'argile qui a séché, mais pas naturellement, qui a été chauffée. Qui a été chauffée pour que ça soit encore plus dur. Pour que ça soit encore plus dur. Et donc, ces oiseaux qui leur envoyaient ces pierres sur eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui finit cette sourate en disant فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Et a fait d'eux et les a laissés comme de la paille mâchée. Comme de la paille mâchée. تَأَمَّلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ ذَهَبُوا لِهَدْمِ الْكَعْبَةِ wa تحتيمها. Ils sont allés donc pour détruire la Kaaba et la briser. فصاروا هم المحتومين. C'est eux qui ont été brisés. لأن العقوبة من جنس العمل. Car la punition est du même genre que l'œuvre. La punition est du même genre que l'œuvre. وفي هذه السورة بيان قدرة الله تبارك وتعالى. Il y a dans cette sourate un exemple qui nous montre la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il fait ce qu'il veut de ses créatures. Pour finir, je vous lis rapidement, inshallah ta'ala, une parole du Cheikh Ibn al-Uthaymin qu'il a cité à la fin de son tafsir. Il nous dit wa qad hamala Allah azza wa jal al-Ka'ba 'ala an hadha al-fil ma annahu fi akhir az-zaman sawfa yusallatu 'alayha rajulun aw sawfa yusallatu 'alayha rajulun من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض. Allah Azza wa Jal a protégé la Kaaba de cet éléphant. Alors qu'à la fin des temps, un homme, il lui sera donné la capacité, le pouvoir, un homme de l'Habasha, cet homme va détruire la Kaaba pierre par pierre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il va la détruire pierre par pierre. لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. Pourquoi ? Parce que cette histoire, l'histoire des gens de l'éléphant, c'est une histoire qui arrive juste avant la prophétie. La venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né durant l'année de l'éléphant. Les savants, ils nous disent حدثت هذه الحادثة وهو في بطن أمه. Cette histoire, elle s'est passée alors qu'il était dans le ventre de sa mère, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah Azza wa Jal a protégé la Kaaba de cette attaque qui s'est produite juste avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour guider les gens. Et il y a en cela justement le fait de valoriser cette Kaaba. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a valorisé cette Kaaba. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. Sauf que les gens à la fin des temps, lorsqu'ils vont donc mépriser cette Kaaba et accomplir des injustices et dévier, accomplir des injustices dans celle-ci, et qu'ils ne vont pas la reconnaître à sa juste valeur, alors Allah tabaraka wa ta'ala va permettre à quelqu'un de la détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de cette Kaaba sur terre. Wa li hadha yajib ala ahli Makkah khassatan أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لأن لا يهين الكعبة فيذلهم الله عز وجل. Et c'est pour cela qu'il est obligatoire aux gens de Mecca de façon spécifique de faire attention aux péchés ainsi qu'aux grands péchés afin de ne pas mépriser cette Kaaba. Les péchés que tu accomplis dans cette Kaaba, autour de cette Kaaba, cela montre que tu méprises celle-ci. Et afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala, afin d'éviter qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les rabaisse par cette cause. Et donc, on comprend dans cette parole, ô chers frères, un élément qu'on a déjà cité plusieurs fois. Anna Allah tabaraka wa ta'ala yusallitu alayna adubwana bisababi dhunubina. Allah tabaraka wa ta'ala donne le dessus à notre ennemi sur nous à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. C'est triste de voir ce qui se passe dans la communauté musulmane. Mais si vous voulez réellement secourir vos frères en Palestine, nous devons craindre Allah Azza wa Jal. Parce que c'est lui qui donne le dessus à qui il veut. Vous voulez récupérer Al-Masjid Al-Aqsa, nous devons craindre Allah Azza wa Jal. Alayna an nahtarima shar'ahu wa nu'azzima shar'ahu. Nous devons respecter et valoriser sa législation. Combien de personnes détestent certains points cités de la législation? N'acceptent pas. Ah non, non, non, non. Ça, non. Ah, c'est trop difficile. Ils ne veulent pas. C'est pas étonnant quand on voit la faiblesse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi, oh, chers frères, nous devons nous corriger nous-mêmes avant toute chose. Et rechercher et arrêter de rechercher cette facilité à on va réussir avec les manifestations, etc. etc. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. On veut changer quelque chose, il faut qu'on change nos défauts à nous-mêmes. Il faut qu'on change nos défauts à nous-mêmes. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum.